C'est un jeu ouvert au public qui nous écoute depuis la maison, depuis aussi la maison de Plein Palais, depuis le bar. Et donc, c'est un son mystérieux qu'on peut deviner et gagner un ticket, cioè l'entrée pour le concert de ce soir, donc de Mariachi et de Anton Lang à 21h sur la Cosmonium. On va peut-être écouter ce son. Appelez le numéro 078 244 57 54 pour gagner une entrée ce soir. Est-ce que Nina ou Sixo, est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce que ça vous évoque, quoi, ce son? Moi, je sais pas, mon charge en ascenseur ou un truc du genre, mais peut-être pas du tout. Mais c'est ça que ça m'évoque. C'est un truc très lent de. Oh. Ouais. Moi, je sais pas, j'ai pas la réponse, mais il y a un indice à la dernière demi-seconde, mais il faut vraiment écouter la dernière demi-seconde. Il y a un mot qui dit qu'est-ce que c'est un truc comme ça, non caché. Non, non, ça dit pas qu'est-ce que c'est, mais ça dit déjà un petit peu où c'est. Mais par contre, je voudrais quand même noter que Nina a parlé de microphone dans une mare et que c'était le son d'hier. Donc, je sais pas si t'as écouté la radio d'hier, mais c'est assez marrant que t'aies parlé de ça, puisqu'effectivement, c'était le son mystérieux d'hier. Qui n'a pas été trouvé puisqu'il a été comparé à un œuf au plat, mais enfin bon, c'était presque ça. Clara, est-ce que tu peux nous dire quelque chose de plus sur la personne qui t'a envoyé ce son? Oui, c'est Xavier Lavorel, donc, qui est un ingénieur du son suisse qui travaille pour le cinéma, et c'est une prise de son qu'il a réalisée durant un tournage qui s'est passé en Italie. Mais bon, voilà, après, je peux pas en dire plus. Bon, voilà. Ah, on a un appel. Ah, attention. Allô, allô. Allô. Oui, bonjour. C'est pour le son mystère. Oui, alors j'écoute. Qu'est-ce que vous pensez que c'est? Moi, je pense que c'est le pylône, c'est la remontée mécanique des volaines. Ah, pylône. Sixto est mort de rire et ça, effectivement, ça pourrait bien. Ça fait vraiment penser à ça. C'est pas ça? Malheureusement, c'est pas tout à fait ça. Il y a du métal. Télécabine. Non. c'est un peu plus sombre. De Solvuc. Non. De Tramontana. Non, c'est en Italie. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, pas faire ça. C'est en Italie. Mais bon. c'est pas mal, il y a du métal. On a entendu quelque chose derrière? Une grue. Non, on n'y est pas tout à fait. Mais merci beaucoup d'avoir participé. C'est quoi votre prénom? Merci à vous de votre jeu magnifique. Venez quand même. Hein. Ouais, c'est journée. Ça, venez quand même. Merci. À bientôt. Bien. Oh, pardon, j'ai coupé. J'arrête de crocheter. On n'a pas leur nom pour le tirage au sort en cas où il n'y a pas de... Oui, on l'a. On n'a pas le nom, mais on a le téléphone. Ah oui, ok. Si on fait un tirage au sort, on pourra les rappeler. Oui, donc s'ils nous entendent encore, restez pas loin de votre téléphone, qu'on vous rappelle. Exactement. Bon, on réécoute une petite dernière fois vite fait. Oui, avant le tutosonic de Jérémy. Après, on écoute l'explication de Xavier. Donc lundi, c'était le gras. Il y a un appel en cours, là, et me disent. Ah, vas-y, mais le... Non, mais il y a un appel en cours sur ton téléphone qui apparemment t'a... Ah bah oui, bah, c'était la personne d'avant, là. Ah oui, non, mais il y a une autre personne qui est en train d'appeler, là. Oui, mais sauf que, comme tu sais, on a 30 secondes, voire une minute de délai, donc peut-être que l'appel en cours est passé. Attends, je lui dis de rappeler. Ouais. En attendant, on ne va pas écouter l'explication du son. En même temps, on pourrait la diffuser. De toute façon, elle n'arrivera que dans une minute. Ah oui, tout à fait. Alors, ouais, c'est vrai qu'on a une minute de délai. Ils nous ont dit que c'était la bonne réponse. Ah, je crois qu'ils ont appelé une autre radio. Là. Bon, on va peut-être diffuser quand même la... Oui. L'explication de Xavier. Attends, peut-être j'appelle moi ici, je le mets au téléphone là. Ouais, on va essayer de tu mets au parleur. Improviser ligne 2. C'est vraiment le vrai standard de call center. Comment on a, c'est où le parleur? Vas-y, en direct. Ah, mais c'est le même groupe d'avant. Allô? Allô, allô? Oui, allô? Bonjour? Ouais. Vous êtes sur Archi Radio? Bonjour, c'est le bruitisme de Poutine. Comment? Vous êtes sur Archi Radio pour le son mystère? Ok, d'accord. Oui, on a été recalé avant, donc on est bien content de passer à la radio enfin. Ah, voilà. Donc, qu'est-ce que c'est? Vous avez entendu le son mystère? C'est d'avant, je crois. Ah oui. Ouais. Bon, tu sais quoi, on va faire écouter l'explication. C'est intéressant. Ah, ok. Bon, mais je crois que vous avez de toute façon gagné. On va vous rappeler plus tard. Donc, ok. Ils ont dit oui. À tout à l'heure, on va écouter l'explication. Écoutez par la radio. Le son que l'on vient d'entendre correspond à l'ouverture d'une porte principale de l'ensemble carcéral de Sassari, en Sardaigne, une porte électrique sur petite roue métallique. Le son mystère. Le son mystère. Donc je suis. Glouf. Le son mystère.